retour, je capitaine de la deuxième flotte de Vladimir. Si t'es monté dans le bateau quand j'ai quitté le port, prépare-toi mon gars, la gloire nous guette. Chaque année, je dis que c'est mon année, tant que je suis pas mort, c'était mon année. Les objectifs m'ont tu condamné à toujours devoir augmenter le level. Je pose mon couplet de la tour de Babel, et ouais, de là où j'ai n'aperçois que les vrais. Ceux qui ont pas suivi, t'appelles le traître. Les égaillards, on m'appelle le maître. Mais pour t'acheter des appels de prêtres, je faisais des milliers de vues. Je suis passé aux millions, j'ai multiplié les vues. Maintenant, ça répond, dis donc, et ouais, ça s'en dit long. J'ai la cote sur les réseaux, sur mon agenda, beaucoup de raisins. Pas encore bâti l'empire de César. Je suis sur le chemin, je peux déjà sentir l'arôme. Ils l'ont senti aussi, donc ils me passent la pommade. D'autant plus fier que j'ai la pommade. Et je m'en sors dans un pays où tous les mecs comme moi, on les préfère en promenade. C'est pas de la chance, tout ce que j'ai, je l'ai pas volé. C'est pas de la chance, j'ai prié, je me l'a donné. C'est pas de la chance, c'est pas de la chance. Non, non, c'est pas de la chance, c'est pas de la chance. Non, non, c'est pas de la chance, tout ce que j'ai, je l'ai pas volé. C'est pas de la chance, j'ai prié, je me l'a donné. C'est pas de la chance, c'est pas de la chance. Non, non, c'est pas de la chance. Tu penses que ça y est, je me la raconte. Que je suis prétentieux, que j'exagère. J'ai planté les graines, j'attends que ça tombe. J'ai travaillé, donc je mérite salaire. J'ai récolté les fruits, je n'ai pas fait de bruit. J'ai pas rendu au truc, je suis resté comme je suis. J'ai mon son cassé du car il n'est pas réduit. Y'a un texte sans ton, je n'écris pas dans un puits. Je fais de la musique parce que je suis doué. Et le public en redemande. À ma estime, je suis boué. Comme télé à télécommande. On a grossi notre commando. On va faire la guerre à tout le rap français. Car d'IS, c'est rappeur au concept. De haut, mais encore plus chaud au concert. Je suis fier de mon parcours en 3 ans. C'est qu'une partie comme l'une en 300. Le plus dur c'est de ne pas lâcher. Qu'est-ce que je pars sans personne dans 300. Rap pour ceux qui aiment le rap. Et vu que les médias rap ne font plus que du téléphone arabe. Normal que ça dérape. Je compte que sur mon rap pour faire connaître mon rap. Dis c'est pas de la chance. Tout ce que j'ai, je l'ai pas volé. C'est pas de la chance. J'ai prié, je me l'a donné. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Non, non. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Non, non. C'est pas de la chance. Tout ce que j'ai, je l'ai pas volé. C'est pas de la chance. J'ai prié, je me l'a donné. C'est pas de la chance, c'est pas de la chance, non, non, c'est pas de la chance. De la chance. Prochain album bientôt dans les bacs. Même la cover est longue, tu vas voir. Je donne des conférences dans les facs. On me sollicite pour mon savoir. Et s'il y a bien une chose que je sais, dans la vie on n'a rien sans rien. C'était à faire donc je l'ai fait. Ce qui m'a fait ma, vous le savez bien. C'est pas de la chance, tout ce que j'ai, je l'ai pas volé. C'est pas de la chance, j'ai prié, je me l'a donné. C'est pas de la chance, c'est pas de la chance. Non, non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, non, non, c'est pas de la chance, tout ce que j'ai, je l'ai pas volé. C'est pas de la chance, j'ai prié, je me l'a donné. C'est pas de la chance, c'est pas de la chance, non, non, c'est pas de la chance, c'est pas de la chance, non, non.